Tout se propage dans ma tête et dans ma rue. Là où je traîne, les carolines ne sont plus vierges. Tu pas là pour me taire, t'es têtu, tu te tais. Faut MC, je t'encule. Mais voilà, venez seul en bas de ma tour et je vous en tue. Vous verrez, ça sera sévère. Je suis vénère, une barre de fer dans leur gueule pour faire fermer les grandes gueules. Avis aux fils de pute qui croient que je vais baisser mon fut, ma gueule. Vous allez tomber net, c'est clair et net. Vos clarinettes me font mal la tête. Je vous baisserai comme vous êtes. Comme tu m'as dit, frangin, le temps a du changement. J'ai plus le temps de réfléchir, car ma vie est obscure. Faut que j'avance sans fléchir. Sans ma pute, c'est impossible d'écrire. Donc je fonce dans le but. Hein, check ça, ça vient du 152 euros. Hein, je fais des choses mal, je fais les choses bien. Le diable nous pousse à sortir le club dans nos clubs. Je fais des choses mal, je fais les choses bien. Le diable nous pousse à crier des cop-cop. Je fais des choses mal, je fais les choses bien. Le diable nous pousse à mettre la France en club. Je fais des choses mal, je fais les choses bien. La France nous pousse à foutre le tawa ici. 45, 31, avenue Ashton, 52 000 chômeurs, à tous ceux qui s'adressent mal. À la place de parler, derrière le vôtre écran, balancer des dossiers et des rumeurs. Voici mon adresse. Depuis tout petit, je me faufile dans le jeu de l'ange noir. Peut-être qu'un soir, une princesse me sortira du jeu de l'ange noir. Je balance des couplets comme si je connaissais la vie, alors je place la barre haute. Je m'en bats les couilles de l'Amérique, la France, je vais la rendre hystérique. J'esquive les flics et la bac au flic, flac flop. J'encule les inspecteurs comme des rics. Vivre sans excès, c'est comme vivre sans précepte. Loin de la cour d'échelle et pourtant près du respect. Peu se disent prêts et beaucoup sont discrets. Faut pas que j'en dise trop si je veux rester cohérent. Non, mais écoute. Tête.